J'aurais voulu t'aimer et pouvoir te le dire. J'aurais voulu rester et ne jamais partir. Je t'aurais tant donné, mais il fallait souffrir. Alors j'ai oublié. J'aurais voulu rêver, mais c'était qu'un peut-être. Te prendre et te garder, mais tu voulais des fêtes. Alors le cœur largué à la fin de la fête. J'aurais voulu t'aimer, aimer, aimer. J'aurais voulu t'aimer et prendre un peu de place. Je ne t'aurais rien volé, y aurait pas eu de casse. Pourquoi abandonner sans que nos corps s'engagent, sans avoir essayé? J'avais envie d'aller où tant d'autres s'arrêtent et pouvoir te toucher pour enfin te connaître. Je voulais tout risquer, même de ne pas te plaire. J'ai pas su nous garder, je n'ai su que me taire. Alors le cœur largué à la fin de la fête, j'aurais voulu t'aimer. J'aurais voulu t'aimer, t'aimer, j'aurais voulu t'aimer.